Audiomatic. We'll be right back. Une transmission d'Audiomatique ne serait pas digne sans un début, surtout la transmission 098 qui s'ouvrait ce soir avec la musique du projet américain W, mené par Wade Randolph Hampton, qui nous présentait la pièce Calabasia de son album Red-Headed Stepchild, qui mélange à merveille les sonorités très organiques aux sonorités électroniques. Les électronistes qui ont encore une fois l'insigne honneur de vous accueillir à l'émission Audiomatique consacrée, avons-nous besoin de le spécifier, à la musique électronique. L'archive complète de nos transmissions passées est disponible en balado-diffusion sur notre profil facebook.com/audiomatique-cfou. C'est maintenant au groupe londonien Stroke que revient la responsabilité d'assurer la continuité musicale à Audiomatique. Hey! The soldier, his wife, and the bum. I was a bum in San Francisco that once managed to go to a symphony concert along with the well-dressed people. The music was good, but something about the audience was not, and something about the orchestra and the conductor was not. Although the building was fine and the acoustics perfect, I preferred to listen to the music alone on my radio. And afterwards, I did go back to my room and I turned on the radio. But there was a pounding on the wall. Shut that goddamn thing off! There was a soldier in the next room living with his wife, and soon he'd be going over there to protect me from Hitler. So I snapped the radio off, and then I heard his wife say, "You shouldn't have done that." And the soldier said, "Fuck that guy," which I thought was a very nice thing for him to tell his wife to do. Of course, she never did. Anyhow, I never went to another live concert, and that night, I listened to the radio very quietly. War has its price, and peace never lasts, and millions of young men everywhere would die. As I listened to the classical music, I heard them making love, desperately and mournfully, through Shostakovich, Brahms, Mozart, through crescendo and climax, and through the shared walls of our darkness. Tell me. Précédemment, à l'interruption publicitaire, à Audiomatic, le trio anglais Cochin nous présentait la chanson « I Want It All » de leur premier album « Resist » lancé en 2001. Précédemment à Cochin, il s'agissait du projet Red Spyro, incarné par Matthias Spittler. De son album « Endless Loop », nous entendions la pièce « The Soldier, His Wife and... » trois petits points. Et pour amorcer la séquence, on avait droit au groupe londonien Stroke et la très belle pièce « On a Wheel » de l'album « First in, Last Out ». Si jamais vous désirez communiquer avec nous pour peu importe la raison, si vous avez des questions, des commentaires, des demandes spéciales, n'hésitez surtout pas à nous écrire à notre adresse audiomatic@gmail.com. C'est toujours un plaisir d'échanger avec nos auditeurs. En musique maintenant, nous entendons à l'instant le groupe canadien Will. vibrations are different, not like planet Earth. Thank you. It's colder than before. The seasons took all they had come for. Now winter dances here. It seems so fitting, don't you think, to dress the ground in white and grey. It's so quiet I can hear my thoughts touching every second that I spent waiting for you. Circumstances afford me no second chance to tell you how much I've missed you. My beloved, do you know when the warm wind comes again, another year will start to pass. And please don't ask me why I'm here. Something deeper brought me than a need to remember. We were once young and blessed with wings. No heights could keep us from their reach. No sacred place we did not soar. Still greater things burned within us. I don't regret the choices that I made. I know you feel the same. My beloved, do you know how many times I stared at clouds, thinking that I saw you there? These are feelings that do not pass so easily. I can't forget what we claimed as ours. My beloved, do you know how many grant me wings that I might fly. My restless soul is longing, no pain remains, no feeling. Eternity awaits. Audiomatique se poursuivait avec la musique du duo irlandais-anglais VNV Nation et leur chanson Beloved, tirée de l'album Future Perfect, paru en 2002. Tout juste avant, le projet israélien Power Source nous donnait un très bon aperçu du genre Trans Goa avec sa composition Go Away, extraite du mini-album Go Away EP, lancé en 1996. Et en amorce de séquence, le groupe canadien Will, formé de John McRae, Jeff Stoddard, ainsi que Rhys Falber et Chris Peterson. Ces derniers ont aussi fait partie, entre autres, des formations Frontline Assembly et Delirium. De Will, nous entendions la pièce Father Forgive de l'album Pearl of Great Price, qui date déjà de 1991. Cette transmission 098 d'Audiomatique tire à sa fin et pour la terminer, nous vous présenterons le projet SEM, S-E-M, le projet de Damon Baxter qui nous interprétera sa composition Area 5 que l'on peut retrouver sur le mini-album de Demon EP. Les électronistes qui vous remercient de votre attention et qui vous donnent rendez-vous mercredi prochain dès 17h pour la transmission 099. Vous avez toujours l'alternative d'écouter l'émission en balado-diffusion en vous rendant sur notre profil facebook.com/audiomatique-cfou. Voici donc, comme promis, SEM et la pièce Area 5. À la semaine prochaine.